Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Salut Julie, tu vas bien? Oui, très bien. Et toi, ça va? Pas mal. Salut Nicolas, ça va bien? Ça va.